بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 76 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. On est arrivé maintenant donc à la fin du volume 1. Et donc, comme j'ai dit, c'est le cours 76. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: وَقَدْ يُسَمَّ الْعَقْلُ عَالَمُ الْجَبَرُوتُ وَالنُّفُوسُ عَالَمُ الْمَلَكُوتُ وَالْأَجْسَامُ عَالَمُ الْمَلِكِ وَيَظُنُّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ لُغَةَ الرُّسُلِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا وليس الأمر كذلك. Ok, donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique que dans le langage des philosophes, des Grecs et autres, et ceux qui les ont suivis parmi les philosophes arabes, ils appellent la science, ou la, plutôt la raison, l'aql, ils l'appellent le monde de Al-Jabarut, Al-Jabarut, la toute puissance, la toute puissance, la force. Ou Al-Nufus, les âmes, il l'appelle Alam al-Malakut, le monde, yani de la seigneurie ou de, disons, du royaume, ou du fait de posséder. Voilà du sam, et les corps, il l'appelle alam al-malik ou al-mulk. Donc, ça, c'est des appellations que les philosophes utilisent comme ça, et ils interprètent les choses de cette façon-là. Il dit, le cheikh, il dit, hada kulluhu khata. Cheikh al-Fawzan, il dit, tout ça, c'est erroné, c'est incorrect. D'appeler la raison alam al-jabarut, les âmes alam al-malakut, et les corps alam al-malik, tout ça c'est faux. Et le cheikh il dit ensuite, Ibn Taymiyyah, il dit que certains parmi ceux qui n'ont pas connu la langue des messagers ou le langage des messagers et qui ne connaissent pas la signification du livre Al-Qur'an et de la Sunna, et de ce qui est dans le Qur'an et dans la Sunna, de la mention de la royauté ou du royaume, du domaine et de la puissance, ils peuvent penser que ça c'est en accord avec ces appellations là. Il dit walaysa al-amru kadhalik, et c'est pas exact. Et Cheikh al-Fawzan il dit liqawl al-falasifa alladhi dhakarahu Abu Hamid al-Ghazali. Donc là il cite, il dit que ça c'est pas correct. Il parle par rapport à qu'est-ce que al-Ghazali a cité par rapport à ces choses là. Et il dit wa haula yulabbisun 'ala al-muslimina talbisan kathiran كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول مع أنه قديم عندهم والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا والله قد أخبر أنه خالق كل شيء وكل مخلوق فهو محدث وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. Donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah explique que ces gens-là, ils essaient de tromper les musulmans et de les confondre dans leur religion en disant que yani al-falak, c'est-à-dire les astres, les étoiles, les planètes, tout ça, ils disent que c'est muhdath, dans le sens que yani ils disent que c'est éternel, mais en même temps que c'est créé, dans le sens qu'il y a une cause derrière, ou quelque chose qui il y a une raison derrière. Puis malgré tout, ils disent qu'elle est éternelle, ou que les choses créées sont dans l'univers, c'est éternel. Donc, le cheikh, il dit, tandis qu'en réalité, qu'est-ce qui est éternel? Ça ne peut pas être créé. Et qu'est-ce qui est créé? On ne peut pas l'appeler éternel. Parce que qu'est-ce qui est créé, c'est qu'est-ce qui était précédé par le néant. C'est-à-dire qu'auparavant, il n'y avait rien. Et puis après, ça a été créé. Donc, si ce n'est pas le cas, si ça a toujours existé, que c'était Internet, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que c'est créé. Hein? Et le cheikh dit donc, il n'y a pas dans la langue arabe, ni dans la langue de quiconque d'ailleurs, quelque chose qui est éternel et qu'on l'appelle créé. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que c'est lui le créateur de toutes choses. Et que toute créature, ben, elle est nouvelle, elle est pas éternelle, elle est créée. Et que toute chose créée, peu importe qu'est-ce qu'elle peut être, elle est précédée de non-existence. Ou bien elle est précédée par le néant, le fait qu'elle n'existait pas. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Hum yaqulun al-falak muhdath » وهم يقولون قديم ويتناقضون. Donc comment ils peuvent dire que quelque chose est nouveau puis éternel en même temps, ou créé et éternel en même temps? Ça c'est une contradiction. C'est ça que le cheikh il dit. Et il dit le cheikh يريدون التلبيس ويقولون محدث ثم يقولون قديم يتناقضون في هذا وإنما يقولون محدث من باب التلبيس على الناس. ويقولون العالم محدث وأن المخلوقات كلها محدثة وليس فيها شيء قديم فليس هناك شيء قديم فكل شيء من الخلق فهو محدث وكائن بعد أن لم يكن والله خالق كل شيء وكل شيء فهو مخلوق والمخلوق موجود بعد أن لم يكن. Donc le cheikh il répète la même chose encore une fois. Il explique tout ce qui existe, c'est que Allah l'a créé. Et donc, il ne peut pas être éternel. Et donc, de dire que quelque chose est créé et éternel en même temps, c'est contradictoire. Donc, les philosophes, ils se contredisent dans ce sens-là. Après, il dit, « لكن نظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل ولا أحكم فيها قضايا العقول فلا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر. Ça c'est une citation qui est célèbre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Le Cheikh il dit donc les gens de Kalam, vous savez qui sont les gens de Kalam, hein? C'est les Asha'ira ici dans le contexte. Mais ils utilisent la philosophie, parce que le Cheikh ici il dit que les gens de Kalam, ça peut être les Asha'ira, ça peut être les Mu'tazila et les Jahmiya. Tous ces gens-là, on les appelle des gens de Kalam, Ahlul Kalam. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'ils utilisent la philosophie pour wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils utilisent la philosophie pour essayer d'affirmer la croyance en Dieu, le Qadar, les questions qui ont rapport avec la religion. Donc ils utilisent la raison dans les aspects de la foi en le ghaib, d'accord. Et ils utilisent, quand je dis qu'ils utilisent la raison, c'est-à-dire la logique selon la compréhension des Grecs et des philosophes, et ils essaient d'interpréter la religion, le Coran et la Sunna selon ces choses-là. Donc le Cheikh ici il dit que ces gens de Kalam, ils ont essayé de parmi les Jahmiya et les Mu'tazila, ils ont essayé de débattre avec les philosophes. Mais ils ont débattu d'une manière qui est déficiente contre les philosophes. Parce que, étant donné que déjà à la base eux-mêmes, ils sont déficients dans leur compréhension et dans leur connaissance du Coran et de la Sunna, donc ils n'ont pas défini les choses de la religion telles que les prophètes les ont enseignées, ça c'est de un. Puis, ils n'ont pas non plus bien compris les aspects qui ont rapport avec la logique et la raison. Donc ils ont des déficiences dans les deux. Ils ont une déficience dans la compréhension de la religion des messagers telle que les messagers l'ont amenée, et ils ont une déficience aussi dans la compréhension de la raison et de la logique. Donc le cheikh il dit, le résultat c'est quoi? La lil islam nasaru wa la lil a'da'i kasaru. C'est-à-dire ils n'ont pas réussi à défendre l'islam et ils n'ont pas non plus réussi à casser les ennemis ou à briser leurs mécréances ou leurs fausses croyances. Donc c'est ça c'est une parole qui est célèbre de Ibn Taymiyyah. La lil islam nasaru wa la lil a'da'i kasaru. Ou la lil islami nasaru wa la lil kufri kasaru. C'est une célèbre citation de Ibn Taymiyyah. Cheikh Al-Fawzan il dit ahlul kalam يعني من عندهم علم ما عندهم علم الا الكلام. Ça c'est une définition que le Cheikh il donne ici de ahlul kalam. C'est des gens qui ont pas de science. Ils ont que la parole. Parler beaucoup, ils parlent beaucoup. C'est ça les philosophes. Ils ont aucune science mais ils parlent. Et il dit wa huwa ilmul mantiq. Donc c'est la connaissance de c'est la science que de la logique, mais la logique aristotélicienne, hein, la logique des Grecs, les philosophes grecs. Et il dit le cheikh arad al-jahmiya wal-mu'tazila an yunadhiru al-falasifa walakinahum laysa 'indahum 'ilmun yunadhiruna bihi li'annahum ya'tamiduna 'ala 'ilm al-mantiq wal-jadal falam yuhsinu ar-radd 'alayhim ولم يحسن الرد على الفلاسفة لم يحسن الرد على الفلاسفة فانتصر الفلاسفة عليهم لأنهم لم يتسلحوا بالكتاب والسنة وإنما تسلحوا بعلم المنطق والجدل فالفلاسفة أقوى منهم في هذه الأمور فردوا عليهم وهكذا من يتعرض للرد على أهل الباطل وهو ليس عنده علم فإن أهل الباطل ينتصرون عليه فلا يجوز الرد إلا بعلم. Donc le cheikh il explique en fait la situation. Il dit que les Jahmiyyah et les Mu'tazila, qui sont des groupes qui ont dévié de l'islam dans la question de la croyance et sur plusieurs questions par rapport à la foi en Allah, par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, par rapport au qadar, par rapport à la définition de la foi et beaucoup d'autres questions qui ont rapport avec les fondements de la religion. Donc ils ont dévié dans plusieurs points, hein, et ils ont voulu débattre avec les philosophes, sauf qu'ils n'ont pas de science déjà à la base pour être capables de débattre avec les philosophes, et ils se basent que sur la logique et l'argumentation, hein, la dialectique et des trucs comme ça. Alors ils n'ont pas été capables de bien les réfuter, et ils n'ont pas été capables de réfuter les philosophes. Plutôt les philosophes, c'est eux qui ont réussi à les vaincre, hein. C'est les philosophes qui les ont écrasés dans l'argumentation. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas armés du Coran et de la Sunna. Ils se sont uniquement basés sur la raison, la logique et l'argumentation. Et les philosophes sont plus forts que eux dans ces domaines-là. Alors, ils se sont fait écraser par les philosophes. Et le cheikh, il dit que c'est ainsi que toute personne qui rentre dans le domaine de la réfutation et qui veut réfuter les gens de la fausseté, s'il n'a pas de science, eh bien, il ne pourra pas les réfuter correctement. Et peut-être que les gens du faux vont avoir le dessus sur lui. Alors, il ne faut jamais réfuter sans avoir de la science. Et ça, c'est une règle. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, parfois, qui ont des bonnes intentions et qui ont une bonne volonté. Ils pensent faire du bien. Et donc, ils veulent aller débattre avec des différents groupes de koufars. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des juifs, que ce soit des athées, hein, ou bien des gens de différentes croyances. Et puis, ils s'en vont avec eux, ils s'assoient pour essayer de débattre. Sauf que eux, en réalité, ils n'ont pas vraiment des bases solides dans la compréhension de l'islam. Ils n'ont pas vraiment des bases solides dans la connaissance de la religion. Donc, ils commencent à rentrer dans le débat, puis ils mélangent le vrai et le faux, hein. Parfois, ils réfutent quelque chose de vrai, hein, en pensant que c'est faux. Parfois, ils défendent quelque chose de faux en pensant que c'est... il défend quelque chose de faux en pensant que c'est vrai, et donc il mélange tout. Et ce qui fait que dans ce cas-là, quand ils arrivent avec ce genre d'argumentation fausse, eh bien ils n'arrivent pas à tenir le chemin, et puis en général ils se font ridiculiser à cause de ça. Et donc c'est ça le danger, en fait. C'est ça, et surtout quand ils sont devant la caméra, ils sont filmés, alors ils veulent pas perdre la face, hein. Alors le seul but, c'est de répondre quelque chose pour essayer de paraître intelligent. mais la réalité c'est qu'ils ne savent pas réellement de quoi ils parlent. Et c'est dangereux ça. C'est très dangereux parce que à cause de ça, beaucoup de gens peuvent être éloignés de l'islam. Hein? À cause de ça, beaucoup de gens vont être éloignés de l'islam. Exactement. Exactement. Donc si tu ne sais pas, tu te tais. Ça s'arrête là. Et donc le mieux c'est de ne pas rentrer dans ces débats-là en partant, à moins que tu saches que tu es une personne qui est fermement ancrée dans la science et vraiment bien comme mutamakkin, comme on dit en arabe, que tu as le niveau pour le faire. Et donc c'est ça que tu vois parfois dans des émissions de télé. Des fois ils vont pour faire une entrevue avec un musulman, ou bien parfois ils mettent une femme musulmane avec une femme laïque, et puis ils les font argumenter l'une l'autre, et tu vois que la femme laïque, elle connaît bien son discours, elle connaît bien ses arguments, elle s'est bien préparée, hein, elle connaît, ouais, elle sait comment répondre, tandis que la musulmane, en général, ils choisissent parfois des femmes qui ne savent pas toujours bien s'exprimer, qui ne savent pas nécessairement bien parler français aussi, et qui ne se sont pas bien préparées, ou bien qui ne savent pas en fait où sont les points, le point, où est le point qu'il faut vraiment appuyer dessus pour vraiment écraser les arguments de l'autre. Et des fois tu vois qu'ils sont complètement hors sujet, tu vois. Donc quand tu vois des discussions comme ça, des argumentations comme ça, eh bien tu réalises qu'en fait yani c'est un combat inégal, hein. Donc c'est pour ça que il faut que les musulmans s'approfondissent plus dans leur compréhension, dans leur religion, dans leur connaissance, pour être capable justement de présenter la religion musulmane correctement, et pour être capable de défendre la vérité avec des preuves et avec connaissance, et pour réfuter le faux avec preuves et connaissance aussi, pas avec des sentiments et des émotions. Wa alaykoum salam wa iyakoum inshallah. Et le cheikh ensuite il explique que la parole de Ibn Taymiyyah quand il dit wala ahkamu fiha qadaya al-uqul, il dit ma'naha annahum i'tamadu 'ala al-uqul wal-mantiq wal-jadaliyat, ils se sont basés sur la raison, la logique, et donc toutes ces méthodes de discussion et de débat, mais sans fondement, sans base. Ils n'ont pas maîtrisé même ce domaine-là comme il faut. Et il dit فَلَا لِلْإِسْلَامِ نَصَرُ وَلَا لِلْعَدَاءِ كَسَرُ. Et le cheikh il dit وَهَوْلَا الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ لَا لِلْإِسْلَامِ نَصَرُ وَلَا لِلْبَاطِلِ كَسَرُ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ وَلَمْ يَرُدُّوا بِعِلْمٍ مُنَزَّلٍ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Une chose que j'ai apprise par rapport à justement la réfutation, c'est lorsque tu lis les livres d'Ibn Taymiyyah et tu vois comment il réfute les gens de Bid'ah. Parfois, c'est-à-dire qu'il réfute les gens de Bid'ah en premier, toujours avec les preuves du Coran et de la Sunna, pour montrer en premier que leurs fondements et leurs principes sont en contradiction avec les textes de l'islam et les fondements de l'islam. Puis, une fois qu'ils ont terminé de les réfuter avec les preuves de la révélation, maintenant ils disent, et voici maintenant les arguments, même qui prouvent que même dans la raison et par rapport à ce qui est rationnel, ils ont même contredit ça aussi. Donc ils les réfutent sur le plan de la religion avec les preuves de la révélation, puis ils les réfutent également avec des preuves rationnelles aussi en plus, hein, ça vient juste disons rajouter encore plus de force à qu'est-ce qu'ils ont déjà établi. Et le fait de voir ça, en fait, c'est que ça augmente encore plus la conviction de la personne qui lit cette réfutation-là. Hein? Et donc, il termine avec quelque chose de solide, et sa foi, elle augmente, et sa compréhension augmente. Et c'est ça le bienfait des réfutations. C'est pour ça que les ulama, ils encouragent toujours les gens de lire les réfutations des ulama contre les gens de la fausseté. Parce que c'est une des meilleures manières pour avoir justement la bonne connaissance et la bonne compréhension de l'islam. Pourquoi? Parce que ça te met devant tes yeux le vrai et le faux, et ça détruit le faux. Donc ça veut dire que non seulement tu vas connaître le vrai et qu'est-ce qui est vrai, mais tu vas également connaître le faux et comment le réfuter et comment le détruire. Donc, donc ta foi et ta compréhension et ta connaissance va être encore plus forte que le musulman qui ne fait que connaître que ce qui est vrai, mais qui ignore le faux, qui peut parfois justement être confus ou trompé ou mélangé dans sa compréhension parce qu'il ne connaît pas le faux et parce qu'il ne sait pas non plus comment réfuter le faux. Donc ça, c'est un des avantages de lire les livres de réfutation. Mais bien entendu, pour lire ces livres-là, des fois, ça prend de la patience. Ça prend de la patience parce que tu vas lire des fois des choses qui sont déplaisantes quand tu lis les paroles des gens de l'égarement ou des gens de la fausseté. Mais il faut être patient pour le lire, pour par la suite lire la réfutation qui, après, apaise le cœur et justement rajoute de la fermeté et de la conviction dans le cœur avec les preuves qui sont mentionnées. En fait, si tu lis les réfutations des grands ulamas, qui sont les grands savants de Ahl-Sunnah et Wal-Jama'a, eh bien, en général, dans ces réfutations-là, ils vont t'enseigner, ils vont te montrer les bases en même temps. En général, les réfutations des ulamas, il y a toujours les bases expliquées dedans. C'est pour ça que c'est bénéfique, hein. Tandis que si tu lis une réfutation de quelqu'un qui n'est pas justement un savant ou qui n'est pas parmi les imams d'Ahl-Sunnah ou les savants d'Ahl-Sunnah, donc ils vont réfuter à moitié. Quand tu finis de lire sa réfutation, tu n'es pas convaincu. Parce que, pourquoi? Parce que ce ne sont pas des ulama, hein, ce ne sont pas des imams. Donc c'est ça quand tu lis, les livres d'Ibn Taymiyyah, les livres d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, les livres des ulamas contemporains qui font partie des imams de la sunna et de la da'wa salafia. Tu lis leurs livres, tu lis leurs réfutations, tu vois qu'ils réfutent avec science, avec ilm. Tu lis les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui réfute les gens qui font le shirk. Tu lis les réfutations de Cheikh Ibn Baz contre des gens qui ont dévié, les réfutations de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di contre les gens d'égarement, les réfutations de Cheikh Rabi' al-Madkhali à notre époque contre Sayyid Qutb, contre d'autres individus parmi les gens de Bid'ah, les Hizbiyin et les gens d'égarement. Vraiment, c'est fort, c'est rempli de preuves et d'explications, de clarifications, et franchement, c'est bénéfique. Barakallahu fik. Oui, non, c'est vrai. Le prophète, en somme, il a déjà prophétisé que les ulama, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend la science en prenant les ulama, jusqu'à ce que la fin des temps approche. Plus la fin des temps approche, plus les ulama, Allah subhanahu wa ta'ala, les prend. Donc il y en a de moins en moins. Et quand ils meurent et ils amènent la science avec eux. Et c'est sûr qu'il y aura toujours des ulamas, mais on a les ulamas qui correspondent aussi à l'époque dans laquelle on vit. Donc les gens de l'époque des tabi'in, ils avaient des ulamas, et des tabi'in, ils avaient des ulamas, et l'époque des grands imams, ils avaient des ulamas qui correspondaient à leur situation, à leur foi, à leur niveau. Aujourd'hui aussi, on a des grands ulamas, mais c'est quand même différent de l'époque des grands imams, de l'époque des tabi'in et tout. Donc, c'est sûr que c'est pas le même niveau. Mais il y a toujours quand même, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait toujours en sorte qu'il y a des hommes qui protègent sa religion et qui défendent la vérité et qui réfutent le faux. Et il a aussi mentionné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, à chaque 100 ans, il y aura toujours des hommes qui vont venir pour revivifier sa religion, et pour réformer sa religion, pour la ramener à sa pureté originelle, pour réfuter les innovations qui ont été incorporées dedans ou qui ont été ajoutées, et pour les éliminer et nettoyer la religion. Donc, ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a aussi yani des ulama qui étudient avec, disons que les grands ulama, ils ont toujours des élèves qui en général leur succèdent après eux et qui prennent la bannière de la science après leur mort. Donc alhamdulillah yani, donc il faut pas désespérer, hein, désespérer, parce que il y aura toujours alhamdulillah des gens qui défendent la vérité jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, ça dans le hadith, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Donc jusqu'à la fin des temps, il y aura un groupe de la umma sur la vérité, hein? Donc il faut pas donc désespérer, hein? Et puis même si ce discours de la religion de l'islam basé sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, elle est pas à la mode, dans le sens que des fois c'est pas le discours que certains jeunes ils aiment entendre ou qui plaît à la masse, hein? Mais la vérité, elle n'est pas là pour faire plaisir aux gens, hein? Et la vérité, elle n'est pas là pour satisfaire les gens. Au contraire, c'est les gens qui doivent se satisfaire d'elle, hein? Donc on n'a pas donc dans ce cas-là à essayer de changer la vérité ou déformer la vérité pour attirer les gens, pour leur faire plaisir. Non, celui qui fait ça, il travestit la religion en réalité. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك كما قد بسط في غير هذا الموضع. Donc c'est exactement qu'est-ce que j'ai traduit tout à l'heure, qu'est-ce que j'expliquais. En disant que les gens de Kalam, ils ont eu des erreurs communes avec les philosophes dans certaines questions, et ils ont disputé contre des philosophes sur certaines choses rationnelles qui étaient correctes. C'est comme si ils les réfutent dans des règles rationnelles qui sont exactes. Donc le cheikh dit, à cause de leur manque de connaissances et de compréhension dans les sciences religieuses et dans les choses rationnelles, eh bien ça a été une des plus grandes causes de la force de l'égarement qu'ils ont donné à l'égarement. C'est eux en fait qui ont donné de la force aux égarés parmi les philosophes à cause de ça, hein? Et comme il dit, comme cela a été expliqué dans d'autres endroits. Et le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce passage-là. Il dit, شارك الجهمية والمعتزلة الفلاسفة في بعض قضاياهم الفاسدة. Donc les جهمية et les معتزلة, c'est les gens de Kalam, ils ont eu en commun certains points, certaines questions corrompues sur lesquelles ils étaient d'accord les deux. Et il dit, وهناك معقولات صحيحة وهم نازعوا فيها والمعقولات الباطلة أقروها لجهلهم وعدم علمهم وهكذا كل من لم يتسلح بالكتاب والسنة عن فهم وإدراك فإنه يصير إلى هذا المصير الذي صار إليه الجهمية والمعتزلة مع الفلاسفة. Donc le cheikh il dit, ils ont des questions rationnelles également que les philosophes avaient et qui étaient correctes. Eux ils disputent sur ces points-là contre les philosophes. Ça, ils sont pas d'accord avec les philosophes sur ces questions-là. Et les aspects de la raison qui sont fausses, ils les ont acceptés, hein? Donc le faux ils l'ont réfuté et le vrai ils l'ont accepté, le vrai ils l'ont réfuté et le faux ils l'ont réfuté. Non, attends. Le vrai ils l'ont réfuté et le faux ils l'ont accepté. Donc ils ont fait le contraire, hein? Le faux que les philosophes enseignent, ils l'ont accepté, et le vrai que les philosophes possèdent, et bien ils l'ont réfuté. Donc il dit le cheikh que ça c'est à cause de leur ignorance, parce qu'ils n'ont pas de science. Et aussi donc il dit le cheikh, c'est pour ça que c'est le résultat de toute personne qui ne s'est pas armé de la science du Coran et de la Sunna pour essayer de comprendre et de réfléchir. Aujourd'hui, hein, on voit ces exemples-là qui sont présents à notre époque. Les gens qui veulent réfuter les kuffars, parfois, ils font la même erreur que les gens de Kalam de l'époque. Hein. Et ça, par exemple, à cette époque-là, on le voyait, comme le cheikh il dit, parce qu'ils ne connaissaient pas bien le Coran et la Sunna. Donc, au lieu de les réfuter par le Coran et la Sunna, ils cherchent à les réfuter par la logique et par la raison. Et des fois, leur raison, justement, elle est corrompue. Donc, ils mélangent le vrai et le faux. Et ils déforment la réalité de l'islam. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Quand ils s'assoient avec les kuffars, ils veulent débattre avec eux. Et leur compréhension de l'islam, elle est déficiente. Donc, ils affirment des choses que les kuffars amènent. Et ils les prennent comme des principes exacts ou vrais. Et des choses que... les choses que l'islam rejette, eux ils les acceptent. Des choses que l'islam accepte, eux ils les rejettent, hein? Parce que ils n'ont pas de fondement ou de principe. Et ça, c'est dans qu'est-ce qu'on remarque à notre époque, surtout par rapport à les idées modernes de la démocratie, de la laïcité, de la liberté d'expression, liberté de croyance. Toutes ces philosophies modernes, hein, qui sont apparues. Quand tu parles avec certains musulmans sur ces sujets-là, tu vois qu'ils sont complètement mélangés. Et ils ne sont pas capables de comprendre la position réelle et correcte du Coran et de la Sunna et de l'islam vis-à-vis de ces questions-là. Hein? Pourquoi ? Parce que déjà leur compréhension de l'islam, elle est déficiente ou incorrecte. Hein? Donc, ils voient pas, ces gens-là, de quelle façon ou comment ces principes-là ou ces philosophies ou ces idéologies occidentales contredisent le Coran et la Sunna. Donc, quand tu les vois, par exemple, en train de parler de ces sujets, ils vont dire, non, il y a aucune contradiction entre l'islam et la démocratie, ou entre l'islam et la laïcité, ou entre l'islam et ces idées-là, hein? Bon, et ça c'est un exemple qui est typique de ce manque de connaissance et de compréhension, de comparer la shura qui est mentionnée dans le Coran, wa amruhum shura baynahum, et de comparer ça avec la démocratie, alors que quand on regarde comme il faut les applications et les principes et les règles de la shura, on voit que ça n'a aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec le principe ou l'idée de démocratie qui vient des Grecs, hein, de l'Antiquité, parmi les mouchriquins et les kuffars, et qui a été par la suite hérité par des Romains, puis par la suite qui a été réadapté à l'époque moderne par les pays occidentaux. Mais ça n'a rien à voir avec l'enseignement des messagers et des prophètes d'Allah. Si la démocratie était bonne, Ibrahim il l'aurait enseigné, et Moussa il l'aurait enseigné, et Yaqub, et Ishaq, et Sulaiman, et Daoud, et tous les autres messagers, ils auraient tous enseigné ça, si c'était le haq. On n'a pas besoin d'écrire des volumes pour réfuter la démocratie, ça suffit comme preuve. Hein? Mais le problème des fois, c'est que certains musulmans qui ont un complexe d'infériorité devant les occidentaux, parmi les kuffars, et qui pensent que tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent, c'est bon et c'est vrai, sans remettre rien en question. Donc, au lieu de remettre en question leurs idéologies et leurs philosophies et leurs principes, ils remettent en question qu'est-ce qui est marqué dans le livre du Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, et dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, ils commencent à avoir des doutes en qu'est-ce que Allah a révélé. Alors qu'ils devraient avoir des doutes en ce que les kuffars ont enseigné et qu'est-ce qu'ils ont inventé avec leur esprit déficient. Mais c'est à cause du manque de compréhension, du manque de savoir, du manque de conviction, hein, du manque de compréhension, du manque de foi, et ainsi de suite. Et donc, ils ont fait la même chose que les gens de Kalam à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? tout ce qu'ils ont trouvé dans le Coran ou dans la Sunna qui est en contradiction avec les idées des kuffars de l'Occident, ils ont dit ces versets et les hadiths qui contredisent les philosophies de l'Occident, il faut les réinterpréter. Ils ont dit il faut changer le discours religieux à notre époque, réinterpréter les versets à la lumière de la philosophie occidentale. Barakallahu fik. Donc ça c'est quoi ça, hein? Ça veut dire qu'en réalité t'as pas mis la parole d'Allah au-dessus de tout. T'as mis la parole des kuffars et leur philosophie au-dessus, puis le Coran, la Sunna en dessous. Puis t'as dit tout ce qui contredit la philosophie des kuffars dans le Coran et dans la Sunna, je le déforme et je le change pour que ce soit correct. Au lieu de faire le contraire, de mettre le Coran et la Sunna au-dessus, puis de dire tout ce qui est dans la philosophie ou dans l'idéologie occidentale qui contredit le Coran et la Sunna, eh bien je vais le changer pour que ce soit en accord avec le Coran et la Sunna. Hein? Donc, soit il joue avec les mots, soit il joue avec les idées, soit il déforme le Coran, soit il déforme les versets, soit il déforme les hadiths, et il joue avec la religion. Comme les gens de Kalam à l'époque qui ont joué avec la philosophie, et qui ont agi comme ça avec les idées des philosophes, de la même manière. Ils ont pris les livres d'Aristote, de Platon et autres, et ils ont dit tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna qui contredit ce que Platon et Aristote ont dit, alors on va le déformer pour que ce soit en accord avec ce que Platon et Aristote ont dit. Et aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire, la même chose. Hein? Donc, celui qui a compris hein, la réalité de la aqidah des salafs, du Coran et de la Sunna et de la compréhension des sahaba, et qui a compris les égarements des gens de bid'ah à l'époque, il ne peut pas se laisser tromper aujourd'hui. S'il est sur cette voie-là, il voit tout de suite l'erreur et l'égarement qui a été ramené de la part de ces groupes-là, hein, et de ces gens-là. Après ça, le cheikh, il explique, il dit, na'am, ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة. يعني هناك معقولات صحيحة وهم نازعوا فيها. والمعقولات الباطلة أقروها. فإنه يصير إلى هذا المصير الذي صار إليه الجهمية والمعتزلة مع الفلاسفة. أي نعم. Donc c'est ça. Après l'autre point que le cheikh a mentionné, il dit فَصَارَ قُصُورُ هَؤُلَاءِ فِي الْعُلُومِ السَّمْعِيَةِ وَالْعَقْلِيَةِ مِنْ أَسْبَابِ قُوَّةِ ضَلَالِ أُولَائِكِ. Il dit, cheikh Al-Fawzan, il dit لَيْسَ عِنْدَهُمْ دَلِيلٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعِلْمِ الرَّسُولِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مَعْقُولَاتْ سَلِيمَةِ فَلِذَلِكَ إِنْهَزَمُوا أَمَامَ الْعَدُوِ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ مَعَهُمْ سِلَاحٌ يُقَاوِمُونَ بِهِ العلوم السمعية هي الكتاب والسنة. Donc une fois je suis rentré dans une pâtisserie syrienne sur Jean Talon à l'époque, ça fait longtemps, et yani subhanallah, j'étais rentré pour acheter quelques des halawiyat, hein, des baklawa, des choses comme ça, et puis le monsieur qui vend là-bas, c'est un chrétien syrien. Et il me sort le journal, il me sort un papier comme ça, juste pour donner un exemple. Il me sort un journal, il me dit, regarde, dans le journal, là, qu'est-ce qui s'est écrit? Ils ont dit, l'islam, c'est pas en accord avec la démocratie. Et j'ai dit, oui, je sais. Et lui, il était choqué comment j'ai répondu comme ça. Parce qu'il s'attendait que j'allais être sur la défensive et que j'allais commencer à dire non, c'est pas vrai, ça c'est, hein? Mais au contraire, j'ai dit non, au contraire, tant mieux même, alhamdoulilah que c'est différent et que l'islam c'est l'islam, la démocratie c'est la démocratie. Alors là, il savait plus quoi dire, tu vois, parce que lui, il est habitué à toujours la réponse de certains qui veulent toujours dire le contraire, hein. Parce qu'il y en a des musulmans comme ça. Si tu lui dis, quelqu'un qui vient lui parler, un chrétien ou un juif qui vient lui parler, ou un athée, vous les musulmans, dans votre religion, vous avez le droit de marier 4 femmes. Non, non, c'est pas vrai. On n'a pas. Et toute chose que quelqu'un dit sur l'islam, lui, automatiquement, il dit il veut nier. Il cherche à plaire, à se faire accepter, mais il réfléchit même pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de mentir ou dire le contraire de la réalité juste pour se faire accepter. Hein? Et donc, beaucoup de musulmans, ils ont cette attitude-là. Un kafir va dire, vous dans l'islam, dans votre religion, il y a le djihad. Non, ça c'est ça, il n'y a pas le djihad. Hein? Ou bien, vous dans votre religion, dans l'islam, par exemple, il y a si quelqu'un vole, on coupe la main. Non, ça il n'y a pas ça, tu vois. C'est comme si c'est automatique, tu vois. Oh, vous dans votre religion, la femme elle doit se voiler et tout. Non, dans l'islam, c'est pas obligatoire. Donc c'est comme si tout ce que eux ils disent, automatiquement c'est machinal, ils disent le contraire, sans essayer de réfléchir, tu vois. Ça dépend. Des fois ça peut être ça, des fois ça peut être juste de l'ignorance. Oui, peut-être c'est l'ignorance aussi. C'est comme par exemple, quelqu'un quand tu lui dis, par exemple, tu lui dis dans l'islam, est-ce que l'homme et la femme sont égales? Il dit non, dans l'islam, la femme dans l'islam, la femme et l'homme ne sont pas égaux. Hein? Ils n'ont pas le même droit. Hein? Et là, la personne, elle veut répondre, elle ne sait pas répondre. Elle dit non, dans l'islam, oui, non, c'est pareil comme tout. Et une fois, j'ai vu des femmes à la télé, des femmes musulmanes qui sont allées dans une émission québécoise ici. Et puis, l'animatrice, elle disait, comme ça, vous, les musulmanes, vous avez le droit de faire tout. Qu'est-ce que les femmes non musulmanes font? Elle dit, oui, on fait tout, la même chose comme vous, la même, pareil. Mais j'ai dit, est-ce que ça, même, c'est intelligent de répondre de cette façon? Est-ce que ça, c'est sage même de dire ça? Parce que la femme musulmane, elle est croyante, elle croit en Allah, elle croit en l'Yom al-Akhir. Elle croit à Yom al-Qiyama, elle croit al-Jannah wa-Nar, le paradis et l'enfer. Déjà ça, c'est une grande différence. Et la femme musulmane, elle vit pas seulement pour la dunya, elle vit aussi pour l'akhira. Hein? Et elle est une esclave d'Allah, comme l'homme il est un esclave d'Allah. Donc l'esclave il est pas libre. Hein? L'abd, hein? Il est pas libre. Donc, on est limité dans qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on est limité. Un homme musulman, est-ce qu'il a le droit de faire tout qu'est-ce qu'un homme kafir fait? Non. Les koufars, hommes, ils peuvent se permettre de faire beaucoup de choses que le musulman n'a pas le droit de faire. Le kafir, homme, il va aller boire de l'alcool, il fait le zina, il va prendre la drogue, il va voler, il va mentir, il va faire toutes sortes de choses. Le musulman, il n'a pas le droit de faire ces choses-là. Peut-être que certains musulmans, ils vont faire des péchés, mais dans leur cœur, ils savent que le péché, c'est haram. Hein? Tandis que le kafir, non. Il fait ce qui est haram, mais il dit dans son cœur, ça c'est halal. C'est ça la différence. Donc c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut apprendre à réfléchir avant de parler et ne pas juste répondre machinalement pour dire « Wa alaykoum salam wa rahmatullah » pour dire le contraire de ce qu'on te dit. Ne te mets pas toujours juste sur la défensive puis être apologétique, toujours vouloir t'excuser, toujours vouloir être sur le côté comme si tu as quelque chose à te reprocher. Non. Si la personne te pose une question, pose-lui la même question. Souvent, ça, c'est la meilleure façon. Il te pose la question, pose-lui la même question. Puis tu vas voir sa réponse après. Tu vois que finalement, lui-même, il a pas de réponse. Tu vois? Après, tu lui expliques comme il faut. Mais pour ça, il faut que la personne soit intelligente, soit patiente, soit ouverte au dialogue et à vouloir discuter et comprendre la vérité. Si tu parles avec quelqu'un qui est borné ou quelqu'un qui est vicieux, qui veut juste te provoquer, ça sert à rien. Des gens comme ça sert à rien de discuter. Mais si c'est quelqu'un qui cherche réellement la vérité, qui est sérieux et qui veut apprendre, tu lui expliques les choses clairement et calmement et étape par étape, en commençant par les choses les plus importantes, et puis après, par la suite, tu vas graduellement pour les autres questions que la personne elle veut apprendre. Donc, le cheikh dit ici, ils n'ont pas de preuves du Coran et de la Sunna et de la connaissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas de règles rationnelles qui sont saines et qui sont correctes. C'est pour ça que devant l'ennemi, ils ont été écrasés. Hein, parce qu'ils n'ont pas d'armes pour être capables d'affronter les ennemis. Et la science qu'on dit al-ilmiya, hein, ou al-aqliya, ou al-sam'iya, al-aqliya ça veut dire rationnel, et al-sam'iya ça veut dire la révélation. Pourquoi on appelle al-sam' ou al-aql? Al-sam' c'est qu'est-ce qui est entendu. Qu'est-ce qu'on entend, on appelle al-sam'. C'est pour désigner la révélation. Pourquoi? Parce que la révélation, elle est à la base masmoua. On l'entend. C'est comme le Coran, c'est récité. La sunna, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la base, c'était des paroles entendues. Donc, c'est pour ça qu'on appelle sam'a. Parce que c'est des choses qu'on apprend par l'écoute. Contrairement à qu'est-ce qui est ma'koul, une chose qui est rationnelle, c'est qu'est-ce qu'on apprend par hein, la réflexion ou la réflexion ou bien le calcul ou des choses comme ça. Le cheikh dit ensuite فالشيخ يحيلكم على أشياء كتبها في غير هذا الموضع من مؤلفاته مثل العقل والنقل ومثل الرد على المنطق وله كتاب اسمه نقد المنطق. Donc le cheikh il dit ici le cheikh à la fin quand il dit كما قد بسط في غير هذا الموضع, il dit on a expliqué ça dans d'autres endroits, c'est-à-dire dans d'autres livres. Ibn Taymiyyah il a réfuté ces choses-là et il veut pas rentrer en détail dedans ici, donc il vous réfère à ces autres livres, comme par exemple al-aql wal-naql, on en a parlé l'autre jour, hein, dar ut'arud al-aql wal-naql, et il y a un autre livre aussi qui s'appelle ar-radd 'ala al-mantiq, hein, ou bien naqd al-mantiq. Ça c'est un autre livre de Ibn Taymiyyah. C'est des livres dans lesquels il a réfuté ces questions-là. Ensuite, le cheikh, ouais, c'est ça. On a presque terminé. Le cheikh dit: وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة. Donc il dit ces gens-là qui se sont philosophés, qui sont rentrés dans la philosophie parmi les musulmans ou parmi les arabes, ils vont parfois faire de Jibril une imagination. Hein, quelque chose qui se manifeste dans l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, donc c'est comme une chose illusoire qu'il imagine, et ils disent que ça suit la raison, c'est un rapport avec la raison. Donc le cheikh il explique kama sabaqa anna al malak indahum innahu khayal yatakhayyalahu an-nabi aw wa yasma'uhu wa yukallimuhu فيظن أن هذا شيء موجود في الخارج وهو إنما هو في ذهنه فقط مع يعني نعم عندهم أن الملائكة هي الهواجس التي تأتي في خاطر الإنسان. Donc le cheikh il explique comme si pour les philosophes, hein, les anges c'est des choses que le prophète imagine dans son esprit. C'est pour les philosophes, les anges n'existent pas. C'est des choses imaginaires, hein? Ouais. Dans lequel on voit qu'il est venu en personne pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba l'ont vu. C'est la preuve que c'est pas quelque chose d'imaginaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invente. Parce que Omar il dit, كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يعني يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره. Donc ça c'est la preuve que il est visible, il est réel, c'est pas une imagination, c'est pas quelque chose qui est dans sa tête ou dans son esprit, c'est quelque chose de réel. Donc les philosophes, c'est comme ça qu'ils déforment la réalité. Ils essaient d'interpréter les choses. Et aujourd'hui, les psychiatres et les psychologues, ils disent ça aussi. Ça, c'est, ils pensent que c'est de la schizophrénie ou bien une autre maladie psychologique ou psychiatrique. Quelqu'un, il invente des choses, il entend des voix. Ils vont te donner des produits chimiques pour stabiliser tes trucs dans ton cerveau. Comme si c'était comparable à une maladie. Mais non, les prophètes, c'est pas des êtres humains malades. Non, les prophètes, c'est des êtres humains au contraire qui sont en très bonne santé et les anges qui leur viennent, c'est des êtres réels qui leur parlent réellement et qui leur amènent la révélation d'Allah. Donc ça c'est un égarement, tu vois, de la part des philosophes de penser comme ça. Et il dit, ils font donc de Jibril un être imaginaire qui se manifeste dans l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous différentes formes, et ils pensent que c'est ça pour eux la raison. Après le cheikh il dit, donc les athées, les malahida, les gens déviés, ils ont eu ça en commun avec ces philosophes là. Et cheikh al-Fawzan il dit raja'a ila awwal al-kalam, yani les athées en parlant des soufis, hein, al-malahida, parce que quand on dit les athées en arabe, le mot qui est employé c'est malahida, mais malahida c'est pas vraiment dans le sens de athée, c'est dans le sens de toute personne qui est déviée dans la croyance. On l'appelle mulhid, min al-lahd, hein, là min al-lahd. Fa al-ilhad darajat, yani il y a différentes formes de ilhad, mais ça peut être ici comme dans ce cas-là, c'est dans le sens de ceux qui ont sorti de l'islam parce que leur croyance c'est une croyance de ilhad. Ils disent que ils n'ont pas besoin des prophètes, ils prennent d'Allah directement et qu'ils sont donc meilleurs que les prophètes. Ça c'est de l'ilhad, il n'y a pas de doute, d'accord, parce que celui qui pense qu'il n'a pas besoin des messagers et des prophètes, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Donc c'est ça que le cheikh dit ici. Il dit ils ont pensé, hein, ces soufis, hein, ils ont eu ça en commun avec les philosophes, hein, ils ont eu ça en commun avec les philosophes. Il dit وزعموا أنهم أولياء لله أو أولياء الله. Ils ont pensé qu'ils sont des serviteurs rapprochés d'Allah et que les awliya sont donc meilleurs que les prophètes parce que eux ils prennent directement d'Allah sans intermédiaire, sans les anges, hein, comme on l'avait expliqué dans le passé. Donc le cheikh il donne des exemples ici. Il dit Ibn Taymiyyah il dit كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول والمعدن عنده هو العقل والملك هو الخيال والخيال تابع للعقل وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن الخيال فلهذا صار عند نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن يعني لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين والنبوة أمر وراء ذلك فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من الصوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة. Donc ça c'est une explication. Le cheikh ici il te ramène les deux choses ensemble, C'est ici qu'il ramène les deux théories ensemble pour te montrer comment les philosophes, comment les soufis ont pris ces idées de tout ce qu'on a expliqué depuis les derniers cours. Ils les ont ramenées et les ont employées dans leurs idées pour justifier leur position. Donc, comment les philosophes ont inspiré les soufis, les soufis hérétiques comme Ibn Arabi, à penser leurs idées. Et il dit ici, donc j'ai essayé de l'expliquer aussi clairement que lui, Inch'Allah, le cheikh il dit, Ibn Arabi, celui qui a écrit Al-Futuhat Al-Makkiyah et Fusus Al-Hikam et d'autres livres également, wa alaykum salam, il dit que, il dit, moi je prends directement de la source, de là où l'ange a pris la révélation qu'il a donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette source-là, c'est quoi pour lui? La source de où l'ange a pris, c'est quoi cette source pour lui? C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la raison. Tu comprends? Donc, pour lui, l'ange, c'est une illusion. D'accord? Et l'illusion, elle suit donc la raison pour eux. Et c'est pour ça qu'il s'imagine qu'il prend de là où l'ange a pris, en parlant de la raison, qui a dit wa huwa bizamihi ya'khudhu 'an alladhi huwa aslu al-khayal, hein, c'est-à-dire la raison. Et dit wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ya'khudhu 'an al-khayal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend de l'illusion, comme parce qu'il pense que les anges sont des illusions. Et c'est pour ça donc que pour eux, il est au-dessus du prophète à cause de ça. Il dit, voilà aucun homme. Mais si c'était la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il l'aurait pas mentionné, hein, de cette façon-là. Et encore moins mentionné qu'il est au-dessus de lui. Alors, que dire lorsque ce qu'ils décrivent comme étant des prophètes, les caractéristiques qu'ils ont mentionnées pour décrire qui peut devenir prophète, hein, que dire lorsqu'on sait que ces choses-là peuvent être obtenues ou faites par le commun des croyants ou des musulmans? Les caractéristiques qu'ils ont mentionnées, d'avoir l'imagination, d'avoir... c'était quoi la deuxième affaire qu'on avait dit? « Un yakun lahu quwwatun ilmiya » une force de la connaissance. « Quwwatun takhiliya » une force dans l'imagination. Puis la troisième, c'était « Ayakuna quwwatun fa'ala » il a un effet, il agit sur les éléments et sur les substances. Donc si quelqu'un est capable de faire ça, alors pour eux c'est un prophète. Alors Ibn Taymiyyah a dit, ces choses-là, même le commun, un individu parmi les musulmans peut avoir ça, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il est un prophète, parce qu'être un prophète, c'est pas ça. Donc le cheikh il dit, la prophétie, en réalité, c'est quelque chose au-delà de ça. Mais Ibn Arabi et leurs semblables, il dit, même s'ils se prétendent être des soufis, il dit, ils sont en réalité du nombre des soufis déviés, hérétiques, philosophes. Ils ne font pas partie des soufis parmi les hommes de science ou ceux qui possédaient du savoir de la religion, hein, qui sont à l'intérieur des limites de l'islam. Même s'ils ont des bid'as ou des innovations, mais ils sont toujours musulmans. Tandis que les idées et les philosophies de Ibn Arabi, par exemple, ça c'est des idées hérétiques qui sont en dehors de la religion. Il dit encore moins qu'ils soient parmi les shuyukh des gens du livre et de la sunna. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ce point-là, il dit « La min as-sufiyyah al-mu'tadila » wa hadha yulabbis bihi ba'd al-kuttab al-mu'asirin fayaqulun aw fayaqul as-sufiyyah 'ala haqq wa hum 'ubbad wa hum naqul na'am hadha fi awailihim walakin awakhiruhum la farq bayn ibn arabi bil alif wal lam wa ibn arabi bidun ibn arabi hadha huwa al-mulhid at-ta'i as-sufi al-khabith أما ابن العربي فهذا إمام من المالكية له تفسير وله شرح الترمذي تحفة الأحوذي وله مؤلفات قيمة مفيدة ومفيدة وهو مالكي المذهب. Donc le cheikh il dit que les soufis qui sont modérés comme ils disent, Il dit, il ne fait pas partie, Ibn Arabi, des soufis modérés. Il dit, il y a beaucoup d'auteurs contemporains. Ils disent, les soufis sont sur la vérité, c'est des adorateurs, ils faisaient beaucoup d'adorations, des choses comme ça. Il dit, peut-être, oui, les premiers. Mais ceux qui sont venus plus tard, hein, non. Il dit, il y a une différence entre Ibn al-Arabi, avec Alif Lam, Al-Arabi, défini, avec l'article, Alif Lam, c'est-à-dire Al-Arabi, et l'autre qui est indéfini, Ibn Arabi, qui est le soufi, Al-Ta'i, l'hérétique. Il dit, tandis que Ibn al-Arabi, Alif Lam, hein, celui qui est défini, eh bien lui, c'est un imam parmi les savants du madhab maliki. Il a un tafsir, Ahkam al-Qur'an. Et il a également un sharh de Sunan al-Tirmidhi qui s'appelle Tuhfatul Ahwadi. Et il a d'autres livres également, comme Al-Awasim, Min al-Qawasim, et d'autres également. Et donc c'est un savant, Maliki, connu, célèbre pour sa science, un grand savant. Ensuite il dit le Cheikh, donc pour dire il faut faire la distinction entre ceux-là et ceux-là. Ensuite, pourquoi il dit ça le Cheikh? Parce qu'il y a des gens, des fois ils confondent entre les deux. Et il y en a qui utilisent cette ressemblance dans leurs deux noms pour faire croire que quand on parle de l'un, qu'on parle de l'autre. Comme si toi tu parles du grand savant Maliki, puis eux, ils parlent du soufi hérétique. Puis ils essaient de te faire croire que les deux sont le même. Hein? Donc il faut distinguer entre les deux. Après le Cheikh dit, il y a un soufi kama sabaqa ala qismain. صوفية بمعنى الزهاد والعباد ولكنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة مثل الفضيل بن عياض والجنيد وبشر الحافي وإبراهيم بن أدهم هؤلاء صوفية معتدلة وهم يصدرون عن الوحي غاية ما عندهم الزهد والعبادة الكثيرة أما الصوفية المتأخرة فهم ملاحدة ففرق بين هذا وهذا وبعض الناس يلبس يقول الصوفية حق ويأتي بسيرة الأوائل ويقول الصوفية حق يلبس على الناس بذكر المتصوفة الأوائل ويريد أن المتأخرين مثل الأوائل وهذا غلط. Donc le Cheikh il dit les soufis sont de deux catégories. Les soufis, parmi les adorateurs, ceux qui se détachent de la dunya, hein, qui courent pas après les biens, hein, eux, ils ne sont pas sortis des limites du Coran et de la Sunna, comme Al-Fudayl ibn Iyad, un grand savant maliki aussi. Il a un livre qui s'appelle Al-Shifa, hein, un livre qui s'appelle Al-Shifa. بحقوق المصطفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم un beau livre sur l'exemple du prophète صلى الله عليه وسلم les droits du prophète صلى الله عليه وسلم الجنيد un autre aussi parmi les adorateurs بشر الحافي إبراهيم بن أدهم ça c'était des hommes pieux des hommes adorateurs qui faisaient beaucoup d'adorations qui étaient pieux qui étaient religieux vertueux. Mais ça, c'est la catégorie de ceux qu'on appelle les soufis modérés, si on veut. Et eux, c'est des gens qui sont venus au début de l'islam, dans les premiers siècles, et qui se basaient à la base sur le Coran et la Sunna, sur rien d'autre chose. Hein? Même si peut-être parfois ils avaient peut-être certaines erreurs ou certaines fautes, mais n'empêche que il restait dans les limites de la religion. Et qu'est-ce qu'ils avaient? C'est le zuhd, hein, l'ibada, faisaient beaucoup d'adoration. Tandis que les soufis qui sont venus plus tard, hein, alors eux c'est des athées ou des déviés. Hein, et donc il y a une différence entre les deux catégories, et il y a des gens qui essaient de tromper les autres en disant que le soufisme c'est véridique, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de bon. Et il donne des exemples des premiers soufis, puis il essaie de faire croire aux gens que les anciens et les nouveaux sont pareils, hein, ou que ceux qui étaient dans le passé et ceux d'aujourd'hui c'est la même chose. Et il dit ça, c'est une erreur. Hein? Et après, il donne des exemples. Ibn Taymiyyah, il cite Al-Fudayl ibn Iyad. Hein? Et Al-Fudayl ibn Iyad, yani, si je me rappelle bien, c'était un, à la base, c'était un brigand. Hein? C'était un brigand. Il coupait les. C'était un bandit de chemin. Il volait les caravanes sur les chemins, puis il faisait, était un bandit. Puis, il lui est arrivé quelque chose à un moment donné, il a rencontré, je pense, un savant ou quelque chose, et il s'est repenti à l'islam, puis il est devenu lui-même un alim par la suite. Ouais. Non, non. Mais c'est-à-dire que c'était des gens pieux dans ce temps-là. Pour eux, les gens les appellent soufis, mais en réalité, c'est juste des grands adorateurs, en réalité. Tu vois, c'était pas le soufisme comme les gens l'appellent soufisme aujourd'hui. La même chose pour Ibrahim ibn Adham, Abi Sulayman al-Darani, hein, Ma'ruf al-Karkhi, al-Junayd ibn Muhammad, Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, wa amthalihim. Donc ça, c'est des exemples parmi ces catégories de gens. Le cheikh dit haoula ulama wa hum soufiya walakinhum ulama fi al-kitab was-sunnah wa yattabi'un al-kitab was-sunnah al-hasil annahu la yulabbas bis-soufiyyah at-tayyibin aw la yulabbas bis-soufiyyah at-tayyibin 'ala as-soufiyyah al-malahida. ويقال التصوف فيه خير انظروا إلى الجنيد انظروا إلى الفضيل بن عياض إبراهيم بن أدهم نقول هذا غير موجود الآن غير موجود عند متصوفة العصر الذي يقول أنا أجالس مع الله وأخذ عنه يأمرني وينهاني وأحضر لكم العلم من عند الله وهذا مثل هذا مثل الجنيد ومثل الفضيل بن عياض. Donc le cheikh il dit, ça c'était des soufis qui étaient des savants, c'était des ulama du Coran et de la Sunna. Ils suivaient le Coran et la Sunna. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que des gens aujourd'hui ils veulent essayer de mélanger les gens et confondre les gens et tromper les gens en mélangeant les gens qui étaient connus comme étant des bons adorateurs, des bons musulmans qu'on appelle aujourd'hui des soufis, et ceux qu'on appelle aujourd'hui parmi les hérétiques et les déviés qui se disent soufis, parmi les différents turqs qui existent et qui essaient de faire croire qu'il n'y a pas de différence entre les premiers puis les ceux qui sont venus après, et ils disent le soufisme c'est bon, hein, le soufisme, le mysticisme, comment ils l'appellent, je ne sais pas quoi. En fait, c'est juste une porte ouverte pour juste suivre leur passion. Tout ce qu'ils veulent, ils l'appellent soufisme. Quelqu'un, une femme, elle veut pas se voiler, elle dit non, moi je suis soufi, je me voile pas. Pourquoi? Parce que dans le soufi, tu peux faire ce que tu veux. Hein? Tu veux boire de l'alcool, hein? Tu dis ah, mais moi je suis soufi, l'islam c'est dans mon cœur. Je bois de l'alcool, mais dans mon cœur, Dieu il sait que je suis bon, j'ai pas besoin d'être religieux ou de montrer ma religion pour être pieux. Hein? Dieu, il sait qu'est-ce que dans mon cœur j'ai. Hein? Tu peux être le plus grand criminel, le plus grand voleur, le plus grand tueur, le plus grand bandit, le plus grand voleur, mais ton cœur, il est pur. Hein? Ton cœur, il est plus pur que ceux qui viennent prier à la mosquée tous les jours et qui s'écartent de qu'est-ce qui est haram et qui font sadaqa et qui font le siyam et qui lisent le Coran et qui récitent le Coran et qui enseignent l'islam. Et allez, eux, ces grands criminels là, ces grands bandits là, ils sont plus pieux que, hein, que les gens qui font le bien et qui s'écartent du mal. Ça c'est comme s'ils ont renversé la religion à l'envers. Puis ils purifient leur propre cœur, ils disent mon cœur il est pur, alors que celui qui prie tous les jours à la mosquée, il espère que son cœur est pur, il le sait même pas. Peut-être qu'il demande à Allah de le purifier. Hein? Mais eux, non, pour eux, c'est gagné d'avance. C'est déjà connu. Et Allah, il dit dans le Coran, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous purifiez pas vous-même. C'est lui qui sait si vous êtes pieux ou non. Alors, c'est pas à nous de se purifier soi-même, hein, ou de dire je suis pieux ou je suis bon ou je suis ci ou ça, hein. De toute façon, si tu dis la foi c'est dans le cœur, ben dans ce cas-là on peut te dire aussi le kufr c'est dans le cœur aussi, le nifaq c'est dans le cœur aussi, l'hypocrisie c'est dans le cœur, la mécréance c'est dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith ala wa inna fil jasad mudghah idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu wa hiya al qalb. Et il a pointé vers son cœur, il a dit at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith il y a un morceau dans le corps, s'il est bon le reste sera bon, s'il est mauvais le reste sera mauvais, c'est le cœur. Et il a pointé vers son cœur, il a dit at-taqwa c'est ici, at-taqwa c'est ici. At-taqwa ça veut dire quoi? C'est de te préserver d'Allah, hein, de te préserver de son châtiment. À la base ça c'est dans le cœur, hein, ça commence par le cœur. Mais est-ce que ça, quand il dit que c'est dans le cœur, est-ce que ça veut dire que tu peux avoir le cœur bon puis après le reste c'est pas grave? Il a dit idha salaha salaha al-jasad kullu. S'il est bon le cœur, le reste du corps va être bon. Si ton corps il est pas bon, tes actions sont pas bonnes, tes paroles sont pas bonnes, comment tu peux dire mon cœur il est bon, hein? C'est comme si par exemple, même des fois aujourd'hui, quand tu vas aller au marché, tu vas acheter un fruit, hein? Quand tu vas acheter des bananes ou des oranges, tu vas prendre laquelle? Celle qui est toute pourrie à l'extérieur, avec des mauvaises taches, de la moisissure dessus, tu dis ah, mais elle peut être comme ça à l'extérieur, mais à l'intérieur elle est bonne, hein? Non, parce que tu juges le fruit par rapport à qu'est-ce que tu vois à l'extérieur. Mais si le fruit, hein, il est tout pourri à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'extérieur il est pourri, à l'intérieur aussi, hein? C'est pas pour rien. Donc il y a un lien quand même entre l'intérieur et l'extérieur, hein? Donc celui qui nie ça de façon absolue puis qui dit la foi c'est dans mon cœur, et même si dans mon corps et dans mes paroles, dans tout ce que je fais, c'est tout est en contradiction avec l'ordre d'Allah et de son messager, mais c'est pas grave parce que l'important c'est le cœur. Qui a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hein? Il dit, le prophète sans il dit Allah il regarde pas vos extérieurs, vos formes, vos apparences ou vos couleurs, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Il a pas juste dit vos cœurs, il a dit vos cœurs et vos actions. Donc ça veut dire qu'il regarde les deux ensemble, le cœur et les actions qui viennent du cœur, parce que les actions que ton corps fait c'est ton cœur qui le pousse. Et Ibn al-Qayyim, il donne toujours l'exemple que le cœur, c'est comme le roi dans son royaume. Et les bras, les jambes, la tête, tout ça, c'est les soldats. Hein? Donc le roi, il ordonne et les membres, ils obéissent. Hein? Donc si la main, elle vole, c'est qui l'a fait bouger cette main pour qu'elle vole? C'est le cœur. Comment tu vas dire j'ai volé, mais mon cœur, il est bon. Hein? J'ai menti, mais c'est ma langue qui a menti, c'est pas moi. Si t'as menti, ça veut dire que ton cœur, il a menti. Hein? Allah musta'an. Illa man rahim Allah, yani. Des fois, les gens, ils suivent leur passion, peut-être ils vont faire un péché. Dans leur cœur, ils savent que c'est pas bien. Mais, n'empêche qu'ils doivent reconnaître que qu'est-ce qu'ils font, c'est un péché. Hein? Ils vont pas dire ok, j'ai bu de l'alcool mais mon cœur il est bon. Non, tu dis pas ça. Tu dis j'ai bu de l'alcool, j'ai fait un péché, je demande à Allah de purifier mon cœur pour m'aider à être un meilleur musulman, pour revenir à l'obéissance et pour me repentir. Tu vas pas dire mon cœur il est bon. Tu fais pas la salat. Tu dis je fais pas la salat mais mon cœur il est bon, je porte pas le hijab mais mon cœur il est bon. Non, dis les choses telles quelles, sois franc, sois honnête. Dis, je le fais pas, je sais que c'est pas correct et que Allah il me guide et que Allah fasse que je sois un meilleur musulman pour que je sois capable de le faire, hein, et fais les efforts nécessaires pour essayer de le faire. Mais ça sert à quoi de dire aux gens ton cœur est bon? De toute façon, est-ce que les gens peuvent rentrer dans ton cœur, vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans? Non. Alors tu parles pour qui? Ça sert à rien. C'est Allah qui est témoin de qu'est-ce qui est dans ton cœur et dans le mien. Alors qu'est-ce que ça sert de prétendre, hein? Subhanallah. Donc le cheikh il dit, donc il faut, pour revenir au sujet, il faut yani, ne pas se mélanger entre les anciens soufis qui étaient juste des grands adorateurs pieux qui craignaient Allah et ceux qui viennent après qui mélangent le vrai et le faux, qui mélangent la philosophie avec la religion et qui par la suite arrivent puis qui disent oui le soufisme c'est bon, puis ils disent regarde Al-Junayd, regarde Al-Fudayl ibn Iyad, regarde Ibrahim ibn Adham, comme si les anciens sont comparables à ceux d'aujourd'hui. Et donc il dit, le cheikh il dit, les soufis d'avant, ils n'existent plus aujourd'hui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça n'existe plus ces soufis-là à notre époque. Eux aujourd'hui, ils prétendent qu'ils s'assoient avec Allah, qu'ils prennent des ordres d'Allah et des interdictions d'Allah directement. Ils pensent que Allah leur donne une science spéciale. Hein, comme elle, donc le cheikh dit, est-ce que ceux-là tu vas les comparer à Al-Junayd et Fudayl ibn Iyad? Ça c'est, hein, c'est impossible, il n'y a pas de comparaison à faire. Donc on vient de compléter aujourd'hui alhamdoulilah le volume 1 de cette explication de Al-Furqan, puis inshallah demain on va commencer le volume 2 inshallah. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.